peut-être avec le son de nouveau comme ça, ça donne un peu une sensation de générique de fin. Ouais. Merci. Voilà. Vous étiez auditeur, auditrice en train d'écouter la radio d'Archipel. Radio Pel. Où on roule les R parfois pour faire ressortir le son. Et voilà, il y a eu un programme du jour qui a commencé à 10h, de 10h à 11h45. Il y a eu une discussion entre Nicolas Donin et Martin Kaltenecker, oui, qui a ensuite partagé ses sons dans le salon d'écoute. Oui. Il y a aussi eu un atelier de fabrication d'instruments pour jeunes publics. 7-8 ans. Qui a mobilisé une partie de l'équipe qui se trouve autour de nous. Des poteaux, voici. Alors, oui, un exemplaire de l'instrument qui a été créé. Si je fais jouer, c'est très dub. C'est très dub. Pierre Beau. J'ai bien progressé depuis la dernière fois. C'est super beau. La librairie ouvrira aujourd'hui à 18h, de 18h à 23h. Comment vous tu pourrez, sais parce que c'est écrit sur le programme, et vous pourrez retrouver les livres que nous avons lus depuis le début de cette épopée de Radio Pel. À 19h, de 19h à 20h, il y aura un concert de l'ensemble Haut dans la grande salle qui interprétera des œuvres de Laurie Spiegel, Mika Levy et Claire Rousset. Précipitez-vous, de 21h à 22h, Alessandra Novaga fera aussi un concert dans la grande salle, jouera la pièce « The Artistic Image is Always a Miracle ». Et ensuite, de 22h à 23h, dans le salon d'écoute, Olga Kokcharova et Luc Muller s'associent pour interpréter la pièce Lucida Songo, une commande d'Archipel qui nous sera dévoilée en position horizontale. Horizontale, ce sera peut-être le mot de demain. L'horizontalité. L'horizontalité. Et petit big up, il y a la Dub Quick tout le week-end. Ah mais, oui, voilà, il y a la Dub Quick. Voilà. Mais il n'y a plus de billets. Il y a de la place pour l'atelier de demain. On a fait déjà l'annonce plusieurs fois, mais dis-le toi parce qu'on n'a pas entendu ta voix. Hello tout le monde, c'est Clément. Je fais partie de l'équipe qui anime l'atelier adulte demain, où on va construire des cornemuses DIY. Et en fait, il reste de la place, il reste carrément même une dizaine de places, je pense, carrément une dizaine de places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Venez. Ça va être méga fun. On va faire des cornemuses avec des ballons et des hanches en canne. On va venir forcément à 10h du matin ou on peut venir un peu plus tard dans la journée? Ben non, normalement c'est 10-18. Après, si vous ne pouvez pas pour X raisons et que vous avez très envie de nous rejoindre, évidemment, vous pouvez arriver en cours. Le mieux, c'est de démarrer tous ensemble parce qu'il y a des infos un peu importantes de démarrer. Ça fait bien ensemble. Envie, voilà. Tout ça. Merci pour ces précisions. On vous embrasse, venez, inscrivez-vous. Et puis, demain, la radio, Radio Pel, sera justement un peu planquée dans l'équipe et puis couvrira une partie de cet atelier. Donc, si vous le manquez, vous pouvez toujours écouter l'émission et puis essayer chez vous de tailler une petite hanche ou de faire un petit trou dans un tuyau pour faire une flûte. Bon courage. Oui. Ou venir ensemble pour faire des cornemuses. Et voilà, donc sur ce, voilà. On va se laisser, je crois. On va aller se baigner quand même, non? Moi, j'en peux plus, là, j'ai envie de pisser. Ah, voilà, bravo. C'était le mot de la fin. Au revoir à demain. Ciao. Ciao, ciao, ciao.